pas être forcé, ça ne doit pas être égocentrique. Égocentrique, comment c'est ça? Ça ne convient à l'ego. Non. L'être, est-ce que ça vient d'eux autres ou ça vient de toi au début? Quand tu es dans le milieu de tout ça. Quand c'est équilibré, ça se fait de deux bords. Ils peuvent ouvrir, puis toi, tu peux ouvrir. Mais l'ego n'est pas impliqué parce que si l'ego est trop impliqué, ils vont vous fermer le canal. Parce que si l'ego est trop impliqué, puis que eux autres rouvriraient la machine, là, vous auriez des esprits très, très fatigués. Comme lui, il disait, là, c'est comme tu as passé de la baie James d'un fil à Montréal direct. Il faut que ça soit transformé, cette énergie-là. Il faut que ça soit dégradé lentement. Puis ça se fait lentement au cours des années. Sinon, on n'aura pas de résistance. Puis d'ailleurs, on perdrait le plaisir de vivre. Moi, souvent, les gens ne comprennent pas quand je vais dire, mais vous avez bien plus de mérite à avoir la conscience que vous avez que moi, parce que moi, j'avais pas de choix. Tandis que vous autres, vous avez une sorte de choix, dans le sens que votre ego, il n'est pas tout washé, il n'est pas tout éliminé, puis vous êtes dans un processus d'évolution, vous venez en contact avec une science qui est très, très avancée, puis très vibrante, puis en même temps, mais vous n'avez pas la certitude qu'un initié a. Fait que pour moi, l'homme inconscient a bien plus de mérite dans le processus évolutif qu'un initié. La seule différence avec un initié, c'est qu'un initié a la capacité d'avoir cette certitude de se posséder instantanément quand que ça se fait. Mais ça, il faut qu'il soit de même, parce qu'ils ont besoin... vous pouvez pas, parce que si vous voulez vous presser, ça va être une forme de spiritualité, ça va faire partie de vos éditions, vous allez crisser vos vies à terre. C'est comme toi, là, ici, là, faut que tu prennes ça, là, t'es rendu à un point, faut que tu prennes ça bien mollo, puis que tu t'occupes rien de faire de l'aviation, seulement, je te le dis, là, je suis ton chum, je te le dis, je le dis aussi, okay. Pas mal, j'en ai trop vu. Very good. Je suis pilote point. OK. Le rectangle, c'est ça. C'est assez. OK. C'est ça. J'ai fait toutes les gars dans la tête, même fait la troisième. C'est bon. C'est ça. Fait que, faut qu'on se protège contre ça. Puis on n'est pas... on n'est pas habitué au processus. Pendant l'évolution, mais on voulait se développer spirituellement, mais il n'y a pas de danger parce que pendant l'évolution, on fonctionnait à l'intérieur des structures archaïques. La prière, le mysticisme, ainsi de suite. On allait aux Indes, à la recherche de la vérité. Mais c'est plus ça là, qui se passe. Là. C'est plus la recherche de la vérité. C'est le développement de l'identité de l'âme, puis c'est le développement d'une capsule psychique à toute épreuve. Parce qu'un homme conscient, ça a une capsule psychique qui devient impénétrable. Puis c'est cette capsule psychique-là qui est faite du contact de l'âme avec l'esprit, donc d'une certaine fusion, qui va permettre éventuellement à l'homme de retourner à sa source. Puis ultimement, si on regarde loin là, dans l'avenir de l'humanité, loin dans l'avenir occulte de l'humanité, à l'homme à venir en contact avec d'autres plans de conscience puis d'autres plans de civilisation qui font partie simplement aujourd'hui des rêves de l'humanité. Fait qu'on est à l'aube de grandes découvertes, autant en sciences matérielles qu'en sciences pures, qu'en sciences psychiques. Mais l'ego va devoir réellement prendre ça bien, bien mollo pour protéger son état mental, donc protéger sa sanité, et ainsi de suite. Fait que, pendant l'évolution, c'était merveilleux d'aller aux Indes, puis, tu sais, mais dans l'évolution, l'homme ne verra plus comme ça, parce que ça va se faire directement chez eux, dans sa maison, en Afrique, en Amérique du Sud, aux Indes, qu'il soit n'importe où, ça va se faire là, dans sa propre conscience individualisée, c'est plus collectif, là. Fait que le monde a besoin de réellement comprendre que leur point d'appui, c'est la matérialité. C'est pour ça que c'est important pour l'homme de travailler. C'est important pour l'homme de mettre en focus sa vie matérielle, la développer, sa vie matérielle. Parce qu'ils vont jamais venir en aide au niveau de votre vie matérielle. C'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de vous venir en aide au niveau psychique, au niveau mental. Puis le rôle de l'homme, c'est de se développer une conscience mentale ou psychique suffisamment avancée, mais en même temps suffisamment équilibrée pour pouvoir jouir, avoir la jouissance, si tu veux, de ces biens matériels. Sans ça, la vie sur la planète, ça va être un enfer pour nous autres. Ça fait que... Puis vous autres, vous réalisez pas le degré de manipulation au niveau du mental que moi, je réalise. C'est abominable. Moi, j'ai perdu tellement d'argent là, depuis 2 ans que vous en reviendrez pas. Moi, j'ai fait une faillite. Il y a tout comme ça à poubelle. Fait que... Laisse-moi finir mon histoire. Fait que... C'est abominable. Puis tu parles avec eux autres de ça, puis ils ont toujours des points de vue différents de nous autres. Puis apprendre à dealer avec ça, puis quand je dis par de l'argent, là, je veux pas dire nécessairement par de l'argent en soi, mais un manque à gagner aussi, tu sais. Fait que ce sont du stock. Bon, là, la grosse, puis là, en ce qui me concerne, moi, le gros argument, c'est que si tu étais trop riche, tu travaillerais plus. C'est pas nécessairement vrai, ça. C'est pas nécessairement... Peut-être que je travaillerai moins. Ouais, je sais que j'ai voulu partir une couple de fois. Mais encore, c'est pas... En tout cas, c'est subtil pour moi, vouloir travailler ou pas vouloir travailler. Ça dépend de ma responsabilité sociale parmi tout le monde que je connais. Si j'ai pas de responsabilité sociale, autrement dit, si le monde évolue à travers l'instruction, puis j'ai pas d'inquiétude pour eux autres, là, je relaxe. Mais aussitôt que je commence à avoir de l'inquiétude pour le monde, là, je relaxe moins. Puis c'est ça qui fait que je veux lâcher. Excusez, mademoiselle. Les forces centripètes se développent à partir de l'intelligence que vous avez maintenant, puis l'agrandissement de ce centre-là. Fait que si votre intelligence est grosse comme un 10 cents, avec le temps, ça devient large comme un 25 cents, puis après ça, ça devient large comme une pièce américaine, puis ça grandit, le sec grandit. Quand vous vivez votre intelligence, apprenez à ne pas la questionner si elle est réelle. Si elle n'est pas réelle, là, vous avez à la questionner. Mais si elle est réelle, apprenez à la questionner. Puis quand est-ce qu'elle est réelle? Quand elle ne vous fait pas souffrir? Puis avec le temps, mais vous vous habituez à ça, puis ça grandit, puis ça grandit, puis ça grandit, puis éventuellement, mais ça devient un centre de certitude extraordinaire. Mais c'est pas la culture qui va vous permettre de comprendre ça, parce que la culture fait partie des forces centrifuges. Puis le développement de notre intelligence, mais c'est l'habitude, on devient habitué à dealer avec tel événement ou tel ordre d'événement d'une certaine manière, puis ça fait partie de notre conscience, puis c'est toujours la même façon. Ils vont toujours dealer avec la mort d'une certaine façon, puis ils vont toujours dealer avec la vie d'une certaine façon, puis c'est très, très constant. On s'habitue à être intelligent. Puis une fois qu'on commence, mais ça devient de plus en plus facile, puis de plus en plus facile, puis éventuellement, on n'a plus de problème avec. C'est pour ça que je disais aux jeunes tout à l'heure, ben, surtout lui avec sa sensibilité, il faut qu'il s'habitue à son intelligence, sinon il va être barouetté à gauche pas à droite. Il va toujours vivre la désorientation, ce jeune gars-là. Il faut qu'il s'habitue à son intelligence. C'est pas facile. Ça fait pas partie de notre culture. Moi, je regarde ma fille, elle est tellement habituée à son intelligence qu'elle est quasiment tough, là, tu sais, dure, là. Elle m'a envoyé un email l'autre fois, là. J'ai dit, sacrement, c'est quasiment une SS. J'ai dit, comment est-ce que le monde deal avec toi et tes chums? Avec mes chums, j'étais une amoureuse à l'os. Elle a dit, je leur fais l'amour comme les autres femmes leur ont jamais fait l'amour, puis ils sont très contents, puis ça va bien. Et fume trois fois. Fait que l'intelligence passe pas par toutes les. Par la sensibilité, par tous les individus. Elle passe au travers. Ça dépend. Ça dépend des individus, parce que la sensibilité, pour eux autres, c'est un aspect du canal. Puis, fait que l'intelligence, ça peut passer par la sensibilité, seulement il ne faut pas que ce soit de la sensiblerie. L'intelligence, ça ne passe pas à travers la sensiblerie. Mais à travers la sensibilité, oui. Donc, à travers ta fille, ça passe à travers sa sensibilité. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que c'est, comme tu dis, c'est un SS? N'est-ce pas? Je dis que c'est comme une SS parce que... Elle paye tellement fret net sec. Mais là, c'est parce qu'elle a été élevée de même à être, comment est-ce qu'on dit, avoir la certitude du. C'est ça, de se posséder qui fait qu'elle même, tu sais. C'est un peu comme l'imitaire. C'est ça, exactement. Fait que des fois, je check pour voir si elle est bien correcte là-dedans, puis elle est bien correcte, puis elle est bien fine, puis elle est bien douce, puis tout. Mais quand elle se met dans cet état-là, qu'elle arrive quelque chose, mais ça fait partie de sa conscience. Fait qu'à ce moment-là, c'est correct. Mais elle est chanceuse, elle fait partie de cette nouvelle évolution-là. Tandis que nous autres, on n'a pas eu ça. Mademoiselle, aviez-vous une autre question? Oui. Oui. Les mémoires et l'expérience sont toujours des trappes pour votre ego. Toujours. Autrement, même d'ailleurs, je vais vous dire une chose, toutes vos mémoires sont des trappes. Il y a quatre sortes de mémoires dans la conscience humaine. Il y a quatre sortes de mémoires. Bon, il y a ce qu'ils appellent, eux autres, la mémoire structurale, là, c'est ça qui te permet d'avoir, de toujours pouvoir faire référence à toi en tant que Bernard, par exemple. T'sais. C'est une mémoire. Sans ça, je m'appellerais Paul tout d'un coup. T'sais. Fait qu'une mémoire structurale, ça fait partie de l'ego. Ensuite, il y a une mémoire résiduelle qui fait partie de votre culture. Ça fait aussi partie de votre ego. Ensuite, ils disent qu'il y a une mémoire virtuelle qui fait partie des architectures du mental qui sont utilisées par les plans pour vous créer des angoisses, des mémoires, des états des états d'euphorie, ainsi de suite. Ils vont prendre des images puis vous envoyer ça dans votre tête, ainsi de suite. Ça, c'est de la mémoire virtuelle. Puis il y a de la mémoire purement dynamique, là, comme dans mon cas, là, où je dis souvent j'ai pas de mémoire, mais j'en ai. Autrement dit, je peux aller en chercher du matériel qui devient mémoriel pour l'humanité. Ça, c'est une mémoire dynamique. Fait que la mémoire vive. Fait que si j'ai besoin de savoir quelque chose, je vais le chercher. Fait que ça, c'est de la mémoire comment je l'appelle ça? Dynamique. Fait qu'il y a quatre niveaux de mémoire. Où l'homme devient victime. C'est dans la mémoire résiduelle. Parce que dans cette mémoire résiduelle-là, il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup d'imaginaire, puis souvent c'est une mémoire qui est plaisante, puis des fois c'est une mémoire qui est pas plaisante. C'est comme un gars qui va en guerre, ça. C'est un gars qui va en guerre puis qui revient chez eux avec des visions comme il a vu son chum se faire couper la tête ou se faire frapper par un obus, et, puis il se réveille dans la nuit, puis il y a toutes les chaleurs, puis tout. Bon, mais ces mémoires-là, mais faut en arriver à contrôler ça. Parce que si on n'arrive pas à contrôler ça, mais il va souffrir de ça toute sa vie, ça va mettre sa vie à terre. Fait que qu'est-ce qui permet de se libérer, si vous voulez, de ces mémoires résiduelles-là, c'est la patente, là. La certitude de se posséder, parce que en voyant l'image de son chum qui se fait fracasser, il ne mettra aucune émotion dedans. En ne mettant pas d'émotion dans cette image-là, automatiquement, éventuellement, elle va s'éteindre parce qu'ils ne pourront plus l'utiliser contre lui. Puis les femmes sont plus susceptibles à la mémoire résiduelle que les hommes. Parce que les femmes ont plus... la femme utilise beaucoup plus son corps émotionnel pour mettre en vibration son intelligence que l'homme. Fait qu'elle est plus victime de sa mémoire, la femme. Oui. Je crois que la femme a trop tendance à parler de son ex-relation. voir, par exemple. Des fois, ça fait vite en arrière, d'autres trous. Ce qu'il faut pas faire, c'est s'en rappeler émotivement. Mais s'en rappeler, pas se faire employer. Là, on développe la patente. L'eau est de même, le courant est de même, mais toi, tu restes de même. Fait que la, excuse, hein? Fait que la mémoire, c'est utile quand elle n'est pas émotivée. Fait qu'à ce moment-là, ben, elle devient un poste d'observation, un outil extraordinaire. Mais c'est quand elle est motivée qu'elle devient pour nous autres une source. C'est là qu'on devient victime d'elle. C'est là que la femme souffre plus que l'homme, parce que la mémoire est beaucoup plus connectée à l'émotion que chez lui. Oui? Ben, vous pouvez pas faire autrement, vous n'avez de la mémoire, tu sais. Avec le temps, vous voyez le jeu. Il y a un jeu qui se passe, il y a une game qui se passe. Puis avec le temps, vous êtes moins susceptible d'être entrappé. Puis c'est là que votre certitude grandit, puis agrandit, puis agrandit. Probablement que vous n'aurez toujours une certaine mémoire, mais moi, la seule raison que j'ai pas de mémoire, c'est parce que c'est pour me protéger de la fusion puis de ce que je sais, pour que j'aie une vie normale. Mais vous autres, l'homme aura toujours une certaine mémoire, mais au moins, vous ne serez pas entrappé par elle. C'est ma déposition contre la mémoire, c'est l'entrappement qu'elle crée, parce que l'homme n'en connaît pas l'eau astrale. Fait que si, prendre l'exemple du soldat qui voit la tête de son chum qui se fait éclater, mais s'il est capable de pas émotiver l'image, mais éventuellement il en arrive à se libérer de ça. Mais c'est une affaire d'habitude, c'est une affaire. Il faut savoir que c'est comme ça qu'il faut dealer avec. Mais si on n'a pas de certitude, ben on pense qu'on n'a pas de cœur, on n'a pas de cœur pour ci, on n'a pas de cœur. Puis c'est pas une affaire de pas avoir le cœur, c'est une affaire de mettre de moins en moins d'émotions dans le mental. L'intelligence, ça ne s'archive pas pantoute. La mémoire, ça s'archive. L'intelligence, ça s'archive pas. Aucunement. On devient plus intelligent parce qu'on est plus vibratoire. Okay. Regarde comment est-ce que je suis sans dessin ce soir là, avec cette crise de mots-là. Là. Certitude, whatever. Mon prof à l'université me regarderait et dirait, Bernard, t'es rendu réellement là. Pourtant, c'est pas ça le phénomène. C'est un phénomène de contrôle de mémoire. Là, c'est parce qu'ils jouent avec moi en soir, parce que je parle de ça. Là. Ils ont du fun, tu sais. Mais tu comprends ce que je veux dire, là? Fait que la mémoire, il faut que ce soit un outil pour nous autres, et non pas... une condition de victimisation. Puis en général, c'est ça que ça se passe. C'est pour ça que je compte la mémoire. Puis la femme est plus affectée par la mémoire que l'homme, ça, c'est ça. Parce qu'elle est émotive plus. Puis elle est très intuitive, la femme, avoue, tu sais. La maladie, c'est plus que des mémoires cristallisées dans le corps. Ah, ça, c'est intéressant. Il dit, ça dépend des maladies. Il y a des maladies karmiques. Il y a des maladies karmiques qui font partie des anciennes mémoires de l'individu, de l'âme, en évolution. Puis il y a des maladies qui ne sont pas karmiques. Les maladies karmiques, ça, c'est dur d'éliminer ça. Puis il y a des maladies qui ne sont pas karmiques. C'est simplement régi par les lois d'accident. Puis ça se guérit. Ça s'arrange. Heureusement quoi, qu'il y a des maladies. Heureusement que la majorité des maladies sont non karmiques. Ça s'arrange, ça se dit. Les maladies karmiques, c'est dur à éliminer. Il faut qu'il y ait un gros changement de la personne. Les maladies, mettons, les maladies karmiques, ça serait un peu l'ADN. Mais les maladies karmiques, moi, par exemple, on a le diabète. Okay. Si aussi, je suis assez brillante. C'est pas vrai, on est brillant dans la mesure où on est conscient. Mm-hmm. Si je suis assez consciente de ne pas manger de sucre, j'ai plus de chances que mon frère, lui, qui nie. Effectivement. Effectivement. Donc, la maladie karmique, on a un certain jeu dessus, mais en même temps, on a le jeu de la conscience qu'on a. C'est ça. C'est toujours en fonction de la conscience qu'on a. Mais c'est plus difficile à éliminer une maladie karmique qu'une maladie basée sur les lois d'accident. Le traumatisme, c'est quoi le lien entre le traumatisme et la maladie? C'est une mémoire, le traumatisme? Le traumatisme, c'est un choc à l'âme. Non, c'est un choc à l'âme qui est basé d'un événement, qui est dû à un événement qui s'est produit dans le passé, puis ça, ça l'a créé une mémoire. Une personne consciente, là, comme moi, là, je pourrais pas vivre ça de traumatisme. Parce que l'intégration de ma conscience est trop avancée pour me permettre de créer de la mémoire que mon égo réfléchirait. Fait que le traumatisme, c'est toujours lié au fait que l'homme se fait prendre dans le processus marquant de la mémoire. Une mémoire est trop forte. La fille qui se fait violer à 13 ans est traumatisée là, pour le restant de ses jours. Ça, c'est la mémoire qui est trop imprimée dans son corps astral, puis elle n'est pas capable de se libérer de ça. Mais elle sera capable si elle savait comment ça marche. Moi, j'en connais des femmes qui ont vécu des expériences difficiles là, quand elles étaient jeunes. Elles sont venues dans mes séminaires des années 80, puis ont passé à travers ça comme du beurre en poêle. Mais c'est parce qu'il y avait une autre psychologie. Moi, je disais, bon, OK, tu t'es fait violer là par ton père à 17 ans. Ça crée un choc dans l'âme. Ça t'a rendu extrêmement sensible au niveau du corps émotionnel. Considère le choc comme étant un point d'entrée de ton énergie. À partir du moment que la fille a considéré le choc comme un point d'entrée, puis j'ai dit, si t'avais pas eu, là, parce que t'es très belle, puis si t'avais pas eu, là, un choc comme ça au niveau de ton corps émotionnel, ta beauté aurait été trop grande pour ton ego. Fait que tu serais devenue une fille, là, plus volage, mais très, très inconsciente. Tandis que le choc que t'as eu, là, ça t'a enlevé de la certitude, ça l'a ouvert ton canal, puis là, ta propre lumière peut rentrer, mais il faut que tu partes du principe que tout ce qui s'est passé, ça n'a aucune importance. Si tu es capable de faire ça, tu vas tout régler le problème du traumatisme. Qu'elle l'a réglé. Y a-t-il un traumatisme relié à une opération quelconque dans le corps physique? Effectivement. Tu sais, un traumatisme, c'est toujours un choc créé ou connecté avec le phénomène de la crainte. Quand tu parles de traumatisme, tu parles de crainte. Quand tu parles de pas de crainte, tu parles d'absence de traumatisme. Ça n'existe pas un traumatisme sans crainte. Parce que la crainte en soi, c'est une vibration astrale très puissante qui est utilisée par les plans pour créer des conditions de programmation très, très... très très présente dans la vie de l'homme. Il y a des gens qui ont des traumatismes, là, c'est abominable, ils sont pas capables de se libérer de ça. Il y a du monde qui sont pas capables d'aller en avion, il y a du monde qui sont pas capables d'entrer dans un élévateur, il y a du monde, tu sais, ça fait partie de la vie, puis ça fait partie des souffrances de la vie. Puis les comprendre, ces traumatismes-là, mais ça fait partie de la conscience. C'est pour ça que je dis que de la conscience, c'est pas simplement un état mental, c'est une science dynamique de notre propre lumière, mais applicable ici, descendu ici, matérialisé ici, pour qu'on comprenne tout de ce qui se passe ici. Puis éventuellement, mais la télépathie devient de plus en plus facile, plus accessible, parce que on est moins réflectif, on est moins rationnel, on est moins... C'est évident que si on est trop rationnel, les autres, on ne peut pas les entendre. Parce qu'on a de la difficulté à faire la différence entre le moi qui parle et le moi qui se fait parler. Autrement dit, le moi qui pense, puis le moi qui se fait parler. C'est pour ça que je donne l'exemple. Souvent, on va dire, bon, ben, un homme qui est bien, bien conscient, là, il va être télépathe, mais jamais, jamais dans sa tête, il sera capable de penser « je », en « je ». Tu n'es pas capable de penser en « je ». C'est une absurdité pour moi de penser en « je ». S'il se passe quelque chose, il faut que ce soit de la communication, donc tu penses en « tu ». Mais ça, c'est une autre étape de la transformation de l'ego. rendu à ce point-là, ben, tu fonctionnes plus pareil. Fait que des traumatismes, tu peux plus en avoir parce que tu n'as plus d'éléments, tu n'as plus de structure astrale suffisamment égocentrique puis émotivée pour te paralyser. Pas une brosse, ça, de quatre parts. Merci. Je vais regarder encore des petits éléments de cette affaire-là là, qui restent. Puis ils disent que dans le développement de cette certitude-là de la possession de soi que l'homme va développer, l'homme va en arriver éventuellement à s'isoler très, très, très, très profondément de ce que j'appelle la conscience de la race. Puis ça aussi, ça a des grandes conséquences parce que, bon, demain matin, je donne un exemple. Demain matin, les Chinois font une connerie, puis il y a possibilité de guerre nucléaire entre les Américains et la Chine. Puis nous autres, on est juste entre les deux. Puis dans ces situations-là, là, tout le monde panique. Un petit peu comme Cuba, là, en 1964 avec Castro, puis Kennedy, puis Khrushchev. Bon, mais un gars comme moi, je suis pas capable de vibrer, là. Fait que je dirais, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Il pourrait aussi bien me dire, reste à Sainte-Adèle, t'es bien, là? Je reste dans Sainte-Adèle. Fait que même si tout le monde prend le char, puis ils sortent, puis s'en vont, là, moi, je bougerai pas. Pourquoi? Parce que plus tu as cette certitude-là, plus tu te dissocies psychiquement de la conscience de la race. Fait que le phénomène des ruées, là, vers la sortie, puis des autoroutes, puis tout ça, là. Ou je serais averti ou amené avant l'expérience à sortir du pays. Mais je vivrais jamais le traumatisme social. Pourquoi? Parce que la certitude de possession de soi empêche l'ego de vivre sa conscience animale. Ou d'être plutôt régi par sa conscience animale. Moi, je me rappelle, j'ai vécu une expérience intéressante il y a bien, bien des années. J'étais à New York dans un restaurant. C'était à peu près 3-4 heures du matin. J'étais assis au comptoir. J'étais après manger. Tout d'un coup, il y a un type qui rentre. Puis, il commence à échanger des coups de feu avec un autre type dehors. Deux gars là, qui s'en voulaient, là, à mort, techniquement. Puis, tout d'un coup, là, je voyais les pots de pickles, ces étagères, paf, ça sautait, coup de pickle, bang! Le monde dans le restaurant ont réellement friqué. Les femmes étaient en dessous des tables, les gars étaient en dessous des tables. Puis moi, dans ce temps-là, j'étais bien, bien en fusion. Fait que je ne pouvais pas faire avec mon corps ce que je voulais, tu sais. Il fallait quasiment que je demande la permission, tu sais. Fait que j'ai dit, qu'est-ce que je fais, là? Il dit, reste là. Ben, j'ai dit, c'est une balle qui me rentre dedans. Ah non, ils vont passer à côté. On sait ce qui passe. Voilà. En tout cas, je suis resté là. Puis, finalement, ça allait arrêter, cette affaire-là. Puis, je me rappelle, il y avait une fille qui était là. Puis, à la vapeur. Puis il y avait un gars avec sa tête entre ses jambes. Il est tatoué du gelé, là, comme ça. Finalement, quand le danger est disparu, elle a dit, OK, c'est assez, là, tu peux te relever. Tu c'est bon. Puis moi, j'ai commencé, quand tu t'apprends mon affaire, comme si... Mais je vous dis pas que je serais capable de faire la même affaire aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, j'étais assez gelé par la fusion que j'avais une grande centricité et de possession de mes hommes.